France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Je suis une croqueuse de diamants. Oui, le diamant, c'est ma nourriture. Il convient à ma nature. J'aime quand ça me crie sous la dent. Dès que ça brille, je suis hors de moi. J'hésite pas un seul instant et je bondis sur ma proie. Chantait Zizi Jeanmaire dans La croqueuse de diamants, musique de Jean-Michel Damaz, parole de Raymond Queneau. Il en a en effet fait bondir plus d'une et plus d'un, le diamant, depuis les premiers temps de son histoire, qui commença en Inde il y a quelques millénaires. Après l'or, le blé, le bois, le coton et le sucre, c'était au diamant que s'intéressait le sixième épisode d'une série documentaire de 1980 consacrée aux matières premières. De ses origines géologiques aux créations des joailliers de la place Vendôme, en passant par son extraction des gisements de Russie et d'Afrique, par ses centres de taille et sa bourse d'Anvers, c'était tous les états de la plus précieuse des pierres qui nous y étaient racontés. Communauté des radios publiques de langue française, l'épopée des matières premières, sixième des 10 épisodes, Le Diamant, une émission diffusée la première fois le 25 août 1980 sur France Culture. Communauté radiophonique des programmes de langue française, l'épopée des matières premières, une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Montage Micheline Noël. Aujourd'hui, Le Diamant. Nul ne sait exactement comment les diamants furent créés à l'origine. Tout ce que l'on peut dire est qu'il y a des millions d'années, sous l'action de températures et de pressions gigantesques, le cristal de carbone s'est transformé au plus profond de la Terre en des cristaux de diamants. Par la suite, le magma qui enveloppait les diamants fut projeté à la surface à travers des fissures semblables à la gorge d'un volcan. L'érosion dégagea les diamants de leur gangue, et ceux-ci furent entraînés par des cours d'eau jusqu'à former des dépôts limoneux. Monsieur Jean Isserlis, vous qui êtes président de la Chambre syndicale nationale du diamant, pouvez-vous nous dire comment se fait l'extraction des diamants ? C'est un travail incroyable. Le diamant est enfoui dans le sol. Il y a deux grandes sortes de gisements principaux. Vous avez ce que nous appelons, nous, les gisements primaires, c'est-à-dire le diamant est encore prisonnier de la lave des volcans, de la kimberlite, d'une lave bien particulière qui s'appelle la kimberlite, de la région de Kimberley. On l'a découverte pour la première fois. Et les gisements primaires, eh bien, c'est l'exploitation dans les pipes des volcans, l'extraction de maximum de kimberlite pour concasser, trier, pour trouver le diamant. Les deuxièmes sortes de gisements sont les gisements alluvionnaires. Les gisements primaires ont été érodés, nettoyés par le système hydrographique ou par le ruissellement. Et les diamants ont voyagé, par exemple en Afrique, ont voyagé sur des milliers de kilomètres et se sont groupés dans des endroits bien particuliers qui sont les courbes des anciens fleuves et à l'embouchure des fleuves où on retrouve des gisements le long des côtes où les courants marins les ont remis sur les côtes et sur les plages. Et alors là, il y a aussi l'extraction. Mais alors, la kimberlite n'existe plus, mais il faut sous des fois des mètres et des mètres de sable ou de gravier ou de galets, trouver la roche en place et où le diamant repose. C'est un travail long, fastidieux, très difficile, et la proportion est fantastique. Il y a certaines mines où c'est 100 millions pour un. Il faut extraire 100 millions de grammes pour trouver un gramme de diamant brut, ou il faut extraire 100 millions de carats pour trouver un carat de diamant, encore en plusieurs pierres. Car la moyenne des diamants extraits, des diamants bruts extraits, est de 0 carat 20. Je dis bien la moyenne. Et on trouve heureusement des pierres beaucoup plus grosses, mais alors c'est très très rare. Que représente un carat de diamant ? Le carat, c'est très très vieux le carat. Vous savez que le mot carat vient du mot quara. Et le quara, c'était la graine du caroubier en sanskrit. Les négociants en perles du golfe Persique utilisaient la graine du caroubier, car dans des pays secs et des pays de mousson, la graine du caroubier a cette particularité de ne jamais s'humidifier. Donc chaque négociant ou chaque vendeur de perles à l'époque avait son propre système de poids. Alors on a donné le mot carat, il y a une transformation, c'est devenu le carat, un système de poids qui se trouvaient être des systèmes différents. Il y avait le carat de Paris, il y avait le carat de Bombay, il y avait le carat de New York, il y avait le carat de Londres. Et il y avait comme ça des quantités de carats qui étaient très très proches les uns des autres. Et puis au début du siècle, il a été décidé, et c'est quand même amusant de voir que c'est la première fois qu'il y avait une unification, il a été décidé qu'on rattachait le carat au système métrique. Et c'est devenu le carat métrique, la cinquième partie du gramme. Un carat, c'est 0,20 g. 0,20 g. Oui. Et le prix d'un carat varie entre quel et quel chiffre? Oh, vous savez, très souvent, on nous demande, à nous professionnels, quel est le prix du carat de diamant? Mais ça ne veut rien dire du tout. Prenons l'exemple d'une pierre d'un carat. Il y a des pierres un carat taille ancienne, très piquées, très teintées, très mal taillées, qui peuvent valoir, je ne sais pas moi, mettons 5000 francs la pierre. Et puis il y a des pierres exceptionnelles qui peuvent valoir 120 000 francs la pierre. Alors vous voyez l'écart entre 5000 et 120 000 francs. Et alors à ce moment-là, on aborde les différents éléments d'évaluation du diamant, qui sont d'abord son poids, la couleur, la pureté et la perfection de la taille. Quelle est la teinte des diamants telle qu'on les trouve dans les gisements? Il y a des diamants de toutes les couleurs. Mais les couleurs les plus fréquentes, c'est le blanc qui varie du très très blanc au jaune et au brun. Mais, je vous le répète, il y a des diamants de toutes les couleurs. Et alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les couleurs fantaisie. Il y a des diamants verts, il y a des diamants bleus, il y a des diamants roses, il y a des diamants jonquilles. Ce sont des pierres de collection. La teinte la plus fréquente est le blanc légèrement ombré de jaune. Mais ça, c'est surtout destiné aux diamants industriels. Le nec plus ultra, qui est très recherché aujourd'hui, que la plupart des clients, parce qu'ils ont été bien éduqués ou instruits par certains organismes, recherchent des diamants exclusivement de la meilleure couleur et de la pureté la plus absolue. Ce pourcentage est donc très très faible. Je crois personnellement que c'est peut-être une erreur que de rechercher des diamants qui remplissent au maximum ces deux critères. Bien entendu, je suis tout à fait partisan de la couleur la plus exceptionnelle qui est qualifiée aux États-Unis de la lettre D ou de la lettre E, ce que les Français admettent aussi dans le laboratoire de la Chambre de commerce et de répression des fraudes. Les lettres américaines de D et E sont considérées toutes les deux comme les meilleures, c'est-à-dire blanc exceptionnel. Quant à la pureté, je suis tout à fait d'accord que le rêve, c'est d'avoir un diamant rigoureusement pur. Mais comme cela entraîne quelquefois une augmentation considérable du prix, cela nous place devant le problème suivant, le problème de l'offre et de la demande. Il y a tellement de demandes de diamants réunissant ces deux critères de couleur parfaite et de pureté parfaite que les prix s'en ressentent. Et personnellement, tout en admirant ces pierres-là, je crois qu'il y a d'autres critères qu'il faut prendre en considération. Je dis souvent qu'un diamant, c'est comme une jolie femme. Il y a beaucoup de qualités qui sont requises pour une jolie femme. Il ne suffit pas d'être ou intelligente ou jolie. Si elle n'a pas de charme, ou si elle n'est pas spirituelle, ou pas sensuelle, il y a un tas d'autres qualités à rechercher chez les femmes. Et chez les diamants, je pense personnellement qu'il y a deux critères qui ont beaucoup, beaucoup d'importance à mes yeux. Ce sont d'abord la vivacité de la pierre et sa forme, les proportions et la taille, que je groupe dans la catégorie de la forme de la pierre. Premier coup d'œil, quand on voit une pierre, on n'est pas obligé de l'examiner avec une loupe immédiatement. Ou elle a du charme, ou elle n'a pas de charme. Et ce sont ses proportions et sa vivacité qui sautent aux yeux aussi bien de l'expert que du profane. Alors, sans vouloir vous faire un cours sur les diamants, je pense qu'il peut très bien se présenter quelquefois des diamants rigoureusement purs, d'une excellente couleur, avec une mauvaise forme, trop carré par exemple, et aucune vie. Il y a eu certaines mines en Afrique du Sud, entre autres une qui s'appelle la mine Premier, qui donnait des morceaux de brut qui étaient très nuageuses. Même repolies et taillées dans les meilleures conditions, c'était des pierres qu'on avait continuellement envie d'essuyer en se demandant s'il n'y avait pas des empreintes digitales ou quelque chose qui ternissait cet éclat. En fait, c'est dans la nature même du cristal, du carbone, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était du carbone pur. Il faut absolument se laisser séduire par les quatre critères: couleur, pureté, forme et vivacité. À l'heure actuelle, les diamants les plus recherchés sont ceux qui sont le plus blancs et ceux qui sont le plus purs. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut une époque où, disons à la fin de la Renaissance, où on recherchait les diamants teintés jaunes. Car par goût, à cette époque, les spécialistes préféraient les diamants jaunes aux diamants blancs. On cite toujours cette anecdote de Benvenuto Cellini qui a fait de la prison pour avoir teinté en jaune un diamant blanc. Je vous dirais que Benvenuto Cellini a fait de la prison pour des quantités d'autres choses, mais en particulier pour cette chose-là. Mais comment se présente le marché mondial du diamant? Quels sont les principaux producteurs? Qui importent? Qui exportent? La production mondiale à l'heure actuelle tourne autour de 40 millions de carats. Elle a été plus importante il y a quelques années, elle a atteint 50 millions il y a 5-6 ans. À l'heure actuelle, c'est 40 millions de carats. Le premier grand producteur de diamants bruts, c'est le Zaïre, qui possède des mines extraordinaires où il y a une production considérable. Le deuxième producteur, c'est l'URSS avec les mines de Sibérie. Les mines de l'Oural sont quasiment épuisées. Le troisième producteur, c'est l'Union sud-africaine. Le quatrième, c'est le Botswana, où on commence à trouver des gisements considérables. Il y a la Namibie. Aux Indes, c'est qui, historiquement, est le premier producteur de diamants. Les mines ne donnent plus grand-chose, hélas. Vous avez le Brésil, mais tout ça, alors ça n'a plus aucune comparaison avec le tonnage extrait au Congo belge ou en Afrique du Sud. Alors, je pense qu'il faut dire à ce moment-là que le diamant brut se présente sous plusieurs qualités. Vous avez près de 50% de la production qui est ce que nous appelons, nous, le bore, c'est-à-dire des diamants très mal cristallisés qui ne sont utilisés que broyés en poudre pour l'industrie. Et puis vous avez à peu près 30 à 35% de diamants qui sont utilisés dans la forme même du cristal dans l'industrie de très grande précision, pour les surfaçages, les sciages, l'usinage de très grande précision. Alors cette industrie de choix représente 30 à 35% de la production. Et puis il reste moins de 20% de diamants qui sont propres pour la joaillerie. C'est ce qu'on appelle la qualité de gemme. Leur couleur, la perfection même du cristal, leur pureté fait qu'on peut les utiliser en joaillerie. Il faut noter que ces 18% représentent à eux seuls plus de 60% de la valeur réelle de la production. Et que représente aujourd'hui la De Beers? La De Beers contrôle, c'est-à-dire est propriétaire même de la plupart des mines d'Afrique du Sud, de toutes les mines d'Afrique du Sud, contrôle la plus grande partie de la production africaine et ne contrôle pas la production russe, bien sûr. Disons que la De Beers doit contrôler aujourd'hui entre 60 et 65%, disons peut-être 70% de la production mondiale. Le grand centre est Londres. Toute la marchandise brute de toute l'Afrique, d'Amérique du Sud, de certaines mines du Brésil par exemple, sont envoyées sur Londres et après vendues, distribuées au centre de taille. Les Russes aujourd'hui diffusent eux-mêmes leur brut, ils taillent même et vendent aussi de la marchandise taillée. La production russe s'équilibre entre 18 et 22-23% de la production mondiale, d'après les chiffres que nous possédons. Comment, historiquement, la De Beers s'est-elle créée une telle part du marché? La part de De Beers avant la découverte des gisements russes était beaucoup plus importante. À un moment donné, De Beers contrôlait plus de 90-95% du marché du diamant brut dans le monde. Écoutez, après la crise de 1929, où vraiment la matière première était distribuée d'une façon anarchique, il a été décidé par un groupe d'hommes, un homme, qui était M. Oppenheimer, de stabiliser ce marché. Donc d'acheter les mines, d'acheter les terrains, de contrôler en achetant le brut des mines qui ne leur appartenaient pas. Et le centre est resté Londres, où le prix du brut s'est stabilisé d'une façon extraordinaire jusqu'à maintenant. En ce qui concerne la matière première même, il est bon d'avoir une matière première qui a un prix qui évolue avec la montée des matières premières à travers le monde, mais qui est contrôlée sans brusque montée ni sans brusque effondrement. Il est bon d'avoir une matière première stable. Le fait que ça soit un seul groupe qui le contrôle, ça c'est une autre histoire, chacun pensera ce qu'il veut, mais je pense que si toutes les matières premières du monde étaient contrôlées comme est contrôlé le diamant, on ne verrait pas des pays qui font de la monoculture ruinés sur des simples coups de bourse, ou des pays qui ont une seule ressource minière ruinée parce que on a spéculé sur le cuivre, on a spéculé sur le plomb à Londres, à Zurich ou à Paris. Est-ce que tous les diamants que vous taillez en verre viennent de la De Beers? Non. Il y a un fait que la De Beers est le plus grand producteur et notre plus grand fournisseur. Je crois que nous pouvons dire qu'en toute saison et par toute période, la De Beers, ou la DTC pour nous, est notre fournisseur à 80-85%. Il est vrai qu'il y a encore, dans plusieurs pays d'Afrique et aussi en Amérique du Sud, des fournisseurs indépendants qui sont soit financés par des grands commerçants ou fabricants du marché d'Anvers, soit qui, indépendamment de tout, viennent à Anvers pour écouler leurs marchandises. Il est certainement un fait qu'il y a une production qui n'est pas équivalente pour toute une période. Il y a des mois où il y a beaucoup, il y a d'autres mois où il y en a très peu à cause des inondations, à cause des rivières qui montent, etc. Ce qui fait que pendant une certaine période, la production peut à un moment donné dépasser une demande ou un écoulement normal. Alors heureusement, la De Beers est là pour stocker. Et en fait, elle le fait. Alors, il y a à nouveau ce que j'appellerais une période plutôt creuse. Et alors, la De Beers est nouveau là pour fournir et pour donner ce que le marché demande. Je crois que, en fait, la De Beers est l'élément modérateur et surtout stabilisateur pour le marché en général. Il y a des moments aussi où il y a une demande énorme, une demande excessive, surtout en période de spéculation, en période d'inflation galopante, en période d'instabilité monétaire. À ces périodes-là, il faut faire très attention, parce que la demande, à ce moment-là, est surchargée, est beaucoup trop grande pour un écoulement normal. La De Beers est là pour retenir et pour satisfaire d'une façon normale une demande excessive. Cette demande excessive, à un moment donné, se calme et alors le marché reprend son cours normal. Au sortir du sol, les diamants sont vraiment mornes à voir, mornes à tous les points de vue, car ils ne présentent que fort peu d'éclat et sont savonneux tant au regard qu'au toucher. Il n'est donc point étonnant que les parents du jeune Erasmus Stephanus Jacobs demeurèrent dans une béate ignorance de ce que leur fils, joué avec une fortune qui leur aurait permis de vivre dans l'aisance et le confort, lorsqu'un jour d'été 1866, assis sur le perron de leur ferme proche de la rivière Orange, ils regardaient leurs rejetons jouer avec des cailloux dans la poussière. L'un de ces cailloux avait été trouvé par le jeune Erasmus, en dehors de la ferme, près de la rivière, non loin du petit dorp de Hopetown. Il l'avait ramassé parce qu'il le trouvait joli, et l'avait donné à une de ses sœurs cadettes pour qu'elle joue avec. C'était, si lui et ses parents l'avaient soupçonné, le premier diamant trouvé dans le sol de l'Afrique du Sud et qui devait, par la suite, déclencher la ruée vers le diamant. Un jour, quelques mois plus tard, un voisin, un certain M. Van Niekerk, vient à la ferme et remarqua la pierre avec laquelle les enfants jouaient. Il s'y intéressa et l'admira tant que Mme Jacobs la lui donna. À son tour, M. Van Niekerk, qui devait avoir conclu que ce caillou était sans aucune valeur, le donna à un marchand ambulant et chasseur, nommé Jacques Oreilly, qui devait être un sérieux vénard, car, en passant à Cape Town, il le fit examiner par le plus célèbre géologue de la colonie, le docteur Gibbon Atherstone. Le caillou fut reconnu pour un diamant et vendu au gouverneur du Cap, Sir Philip Woodhouse, pour la somme de 500 livres. Par la suite, cette pierre fut présentée à l'exposition de 1867 à Paris et changea de main à diverses reprises, atteignant pour finir un prix de plusieurs milliers de livres. On remonta à l'origine de ce diamant, la nouvelle s'en répandit très vite et bientôt la ferme des Jacobs et le territoire environnant furent assiégés par des prospecteurs qui passèrent au peigne fin les abords de l'Orange et de son affluent le Val, entre Uptown et Kimberley. Il suffit de 4 années pour que l'on découvrit le riche dépôt qui a rendu ce dernier lieu célèbre. Monsieur James Carriage, vous représentez la Central Selling Organization, c'est-à-dire la De Beers. Que se passe-t-il exactement une fois que les diamants sont extraits? Ça dépend où, mais par exemple, l'Afrique du Sud, des mines, ils sont triés à nos bureaux à Kimberley. Et après que les gouvernements ont pris leur taxe et tout ça, ils sont envoyés à Londres. Ils sont envoyés de quelle manière? Par quel moyen de transport? Ça, je ne sais pas. Et si je sais, je ne donne pas la méthode. C'est pour des raisons de sécurité. Mais ils arrivent à Londres et là, on pèse tous les pierres pour voir s'ils sont d'accord avec la facture expédée avec les diamants. Après, on trie les diamants en plus de 2000 catégories. Et ça, c'est vraiment un métier pour les experts. On a plus de 400 experts à notre bureau à Londres. Et ils se classifient au niveau de couleur des diamants, au niveau de leur forme, au niveau de leur qualité. Bien sûr, on sait toujours le poids. Ça, c'est la seule chose qui est certaine. C'est une société comme le CSO qui ont des finances énormes, des réserves énormes qui peuvent stocker les diamants pour lesquels il n'y a pas une demande immédiate et qui peuvent vendre à des gens dans les centres de taille qui sont vraiment les spécialistes dans le taille. Quels sont les plus gros acheteurs de diamants parmi l'ensemble des pays? Le chiffre pour les États-Unis était 52%. Ça s'est suivi par le Japon avec un chiffre de 22%. Et en troisième place, on a l'Allemagne d'Ouest avec 7%. C'est difficile de préciser les chiffres pour des autres pays, mais on sait que la France est au quatrième place avec l'Italie. Vous pouvez donner un ordre de grandeur du chiffre d'affaires mondial représenté par les diamants? Encore, c'est toujours difficile d'être très précis avec les statistiques qui concernent l'industrie de diamants. Mais on peut dire que les chiffres de vente, la CSO, donnent une indication assez près de les chiffres de vente mondial. Et pour l'année de 1977, ils sont montés juste au-dessus de 10 milliards de francs français. Monsieur Giard, on sait qu'il existe une contrebande concernant le diamant, mais personne n'a voulu en parler. Elle est pourtant assez importante, je crois. Il existe une contrebande sûrement très importante, et qui se situe d'ailleurs à divers niveaux. La contrebande peut se faire au niveau des pierres brutes. En fait, quand on dit contrebande, dans ce cas-là, on devrait plutôt dire vol. Il s'agit plus spécifiquement des ouvriers travaillant dans les mines de diamants qui cherchent à s'en emparer et à dissimuler des pierres. Mais je croyais que les contrôles étaient très très importants. C'est vrai. Ils sont extrêmement importants et si vous visitez par exemple l'Afrique du Sud, vous verrez que les mines sont gardées par des chiens policiers qui sont spécialement dressés, que les mineurs restent pendant à une durée minimum de contrat, c'est-à-dire pendant 6 mois, parfois c'est 9, mais le plus souvent 6 mois, ils n'ont pas le droit de sortir et ils sont fouillés. Alors comment des diamants peuvent-ils sortir? Tout simplement parce que les mineurs, qui sont ce que l'on appelle de race bantoue pour désigner des hommes de couleur, eux, de par leur contrat, sont consignés dans la mine. Mais les Européens, les hommes de race blanche, les Européens ont le droit de sortir. Or, il est possible de faire l'inspection de quelqu'un, même sans le fouiller dans ses endroits les plus intimes, par la méthode des rayons X. Mais on ne peut pas passer tous les jours quelqu'un au rayon X. Ian Fleming, le fameux auteur de James Bond, disait un jour qu'il y a tellement d'endroits dans le corps humain où l'on peut dissimuler des diamants qu'il est possible à quelqu'un d'en dissimuler suffisamment pour vivre à l'aise pour le reste de ses jours. Alors, les mineurs réussissent à voler des pierres au moment où ils les recherchent. Puis, ils les passent à des membres blancs du personnel qui, eux, réussissent à les faire sortir. Dans d'autres pays d'Afrique, et en particulier dans des pays gros producteurs du type du Sierra Leone, par exemple, alors là, c'est une autre formule. Les gens font de la contrebande au vu et au su de tout le monde, tout simplement parce qu'il y a suffisamment d'acheteurs qui sont là, au pied de la mine, et qui sont prêts à acheter, en payant cash, pratiquement n'importe quelle quantité de diamants. Et quelles sont les filières? Eh bien, faisons un distinguo, si vous voulez. Le diamant va servir à deux fins. Le diamant industriel ou une joaillerie. Et en fait, il suffit qu'un pays ait besoin de diamants industriels pour que ses gouvernants cherchent à acheter des diamants par tous les moyens. Or, vous savez que le commerce du diamant se fait par l'intermédiaire d'une seule compagnie, laquelle demandera évidemment le prix fort. Si les Russes, et si je cite les Russes, c'est parce que ça s'est produit, ont besoin de diamants industriels qui constituent d'ailleurs un matériau stratégique, ils ont tout intérêt à essayer d'acheter, j'allais presque dire de rafler, tout ce qui leur est possible de trouver. Ça les aide, et d'autre part parce que la raréfaction qui en résulte peut gêner les Occidentaux. Or, au niveau des diamants industriels, les deux pays qui en ont le plus acheté par l'intermédiaire de la contrebande sont indiscutablement l'URSS et la Chine. L'URSS constitue le deuxième pays producteur de diamants au monde, mais il fut un temps où ce n'était pas rigoureusement la même chose, et de toute façon, s'ils peuvent s'en procurer, ils n'hésitent pas à le faire. D'autres pays industriels en font autant. Pourquoi dites-vous que le diamant est un matériau stratégique? Le diamant sert dans le domaine des techniques où il est irremplaçable. Un exemple très rapide, si on fait des trépans pour le forage du pétrole, un trépan avec des aciers parmi les plus durs de ce qui existe actuellement dure moins de quelques heures, souvent une demi-heure, trois quarts d'heure. Il faut donc les remonter et les changer complètement. Un trépan à base de diamant dure à peu près 50-80 fois plus longtemps. Alors rien que pour cela, ça peut gêner des recherches. Il y a des tas d'autres cas que je pourrais vous citer, nous sortirions du cadre du sujet. Mais le diamant est absolument indispensable à l'industrie des pays occidentaux actuellement. Au niveau des pierres de joaillerie, les motivations sont tout à fait différentes. D'abord parce que il y a deux choses qui peuvent se produire. La contrebande se fait soit au niveau des négociants, soit au niveau des particuliers. Il y a un certain nombre de pays actuellement qui ont mis des taxes extrêmement lourdes sur les diamants et les bijoux. Parfois 40%, 60% et même davantage. Je connais des pays où les taxes dépassent 100% de la valeur. Il est bien évident, compte tenu de la facilité que l'on peut avoir pour dissimuler des diamants, et du fait que s'il s'agit de pierres qui ne sont pas trop importantes pour pouvoir être reconnues facilement, il est relativement difficile de les identifier dans un pays où il y a des taxes très importantes. Tel négociant peut avoir intérêt à en faire rentrer en fraude parce qu'il évite ainsi toutes les taxes. Comment peut-on éviter les contrôles de la douane? Un exemple avec les bateaux. Des bateaux arrivaient les gens étaient fouillés, on ne sortait pas les pierres. Mais les trafiquants s'arrangeaient pour faire un aller-retour avec un bateau. Vous savez que souvent, ils restent pendant 3 jours à quai avant de revenir en Europe, par exemple. Eh bien, ils repartaient en Europe exactement par le même bateau et ils demandaient à avoir la même cabine. Puis, au moment du retour, un ami venait leur dire au revoir. Et c'était l'ami qui redescendait avec des pierres dissimulées dans un talon de chaussure ou dans tout ce que vous voulez, parce que habituellement la douane ne fouille pas les visiteurs. L'invention des contrebandiers est quelque chose d'absolument fabuleux. Alors il y a donc une contrebande qui se passe au niveau des négociants de tout genre, mais il y a aussi la contrebande qui peut se passer au niveau d'un simple particulier, c'est-à-dire qui consiste à aller acheter une pierre dans un pays où les taxes sont très basses. Seulement, il y a tout de même des risques. C'est que l'on arrive maintenant à faire des imitations du diamant que seul un professionnel averti peut déceler. Or, toute personne qui veut acheter un diamant en fraude, mais qui n'a pas les connaissances nécessaires, peut parfaitement bien se faire vendre une pierre qui vaudra même pas le millième de sa valeur. Monsieur Jacques Arpels, comment fait-on pour reconnaître un vrai diamant d'un faux diamant? C'est très subtil et c'est difficile à expliquer. J'ai posé souvent la même question que vous à des antiquaires ou des marchands de tableaux. Il y a un petit peu de technique et il y a aussi beaucoup de flair. Ces diamants, où sont-ils taillés? On a New York, on a Anvers, on a Tel Aviv et on a Bombay. Et chaque est spécialiste dans un poids et une forme de diamant. À New York, ils taillent les pierres importantes, les pierres au-dessus d'un carat. À Anvers, c'est les pierres qui pèsent un carat et les pierres qui sont très difficiles à tailler. À Tel Aviv, c'est les plus petits. Et aux Indes, c'est surtout les très petites pierres. Mais on peut dire qu'Anvers reste la capitale du diamant. L'importance des centres de taille se détermine selon le nombre de meules. Et Anvers est un des premiers centres de taille dans le monde. Il ne faut pas qu'il y ait confusion dans les esprits entre les centres de taille et les centres de consommation. Et puis il y a les centres de création. Paris reste le plus grand centre de création de joaillerie. Et les Américains sont les grands consommateurs de diamants montés. Quand on parle d'une ville quelconque en disant capitale du diamant, je crois qu'il faut bien spécifier capitale de la taille du diamant, capitale de la création de joaillerie, capitale de ceux qui consomment le diamant et qui l'utilisent. Ce sont des choses bien différentes. Anvers est devenu un des plus grands centres de taille après le déclin d'Amsterdam. Si nous parlons 79, pourquoi est-ce qu'Anvers est typique? Ben, Anvers est typique parce que c'est un vrai carrefour de race, de nationalité, de religion. Non pas de passage, comme dans les autres centres parfois, mais vraiment, ils viennent s'installer à Anvers. Ils ont des bureaux, ils amènent leur famille, ils habitent là. C'est pour ça que c'est un vrai carrefour, non pas seulement de passage. Autour de nous, ben, y a beaucoup de Yiddish, il y a beaucoup de Flamands. Et puis, français, anglais. Yeah, mais c'est d'où? C'est d'Afghan? Je veux 400. Ça se passe de main en main et il y a des offres qui se font. Et quand il y a un accord, il y a un mot qui est généralement un accord verbal qui est carrément sacré ici dans le métier du diamant, c'est le mot mazal. Et ce mot mazal, ça veut dire que l'affaire est conclue. Ça veut dire chance, et une fois que l'affaire est conclue, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, une parole verbale est des fois plus importante, je dirais presque plus aussi importante qu'écrite. Alors, il n'y a pas de litige contre des choses pareilles. Il est obligé d'accepter, même s'il sait, après qu'il a fait une mauvaise transaction, une mauvaise affaire, qu'il a pu trouver la marchandise ailleurs, meilleur marché, il est obligé de prendre, à cause d'une parole verbale, la marchandise. Monsieur Barsamian, quelle est l'origine des bourses de diamants ? L'origine des bourses de diamants est qu'avant 1893, le négoce du diamant se faisait dans des cafés aux alentours de la rue du Pélican. Ici, on a créé en 1893 la première bourse du diamant. Il s'agissait du Diamond Club van Antwerpen. Et depuis lors, en 1904, vous avez une autre bourse et plus tard deux autres bourses qui se sont établies ici. À l'origine, Anvers et le Diamond Club van Antwerpen a été la première bourse mondiale. Toutes les autres bourses se sont calquées sur ce que nous avions créé ici au Diamond Club. Nous n'avons vu aucune femme tout à l'heure dans la bourse. Il paraît que les femmes ne peuvent pas rentrer ici. Comment ça se fait ? Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, une raison religieuse. Et puis, le fait que certaines personnes craignent la concurrence des femmes, surtout les courtiers. Donc ce sont les courtiers qui sont opposés. Les courtiers en grande partie, parce qu'après la guerre, je vais expliquer cela, il y avait surtout des veuves de guerre, au milieu juif, dont le mari était mort pendant la guerre. Alors ils ont essayé de trouver un gagne-pain, et ces femmes sont constituées courtiers en diamant. Et les membres, bien sûr masculins, des bourses sont opposés, parce qu'ils craignaient la concurrence. Mais nous ne sommes plus au lendemain de la guerre en plus. Comment se fait-il que cet état de choses n'ait pas changé ? Effectivement, c'est très bien que je suis contre cet tas de choses, mais c'est un milieu assez, comment dirais-je, traditionnel, et l'évolution se fait très lentement. Qui s'appelle le Diamond Club. C'est ce bâtiment qui a été créé en 1893 et reconstruit en 1969. Il recouvre quelques centaines de bureaux où des négociants, des fabricants travaillent. La salle de bourse est en bas. Là, on reçoit les clients étrangers, soit dans les bureaux, soit dans la salle de bourse. Les bureaux de vente sont tous orientés vers le nord. Quel est l'intérêt de cette lumière ? Au soleil, les pieds brillent trop fort, la couleur est influencée par la lumière. D'accord, donc toutes les ventes se passent dans des bureaux toutes comme ceci ? Toutes les ventes se passent dans le monde entier, dans des pièces orientées au nord. Monsieur Zucker, vous pouvez nous donner une idée du chiffre total d'exportation de diamants pour Anvers ? Dans le courant de l'année 78, l'exportation globale d'Anvers a été de l'ordre de 92 milliards de francs belges, c'est-à-dire un rien de plus que 3 milliards de dollars. Notre affaire se traite surtout sur parole. Une parole qui ne serait pas tenue ou respectée serait sanctionnée très sévèrement. Il n'y a pas de contrat de vente, par exemple, comme dans pratiquement tous les autres métiers. Je peux très bien vendre aujourd'hui à un correspondant simplement par téléphone. Si par après je lui dis non, je ne veux plus, je veux annuler, etc. Bon, Si je lui dis, ça va encore. Mais si je ne dis rien et que je ne veux pas donner suite sans avoir une confirmation écrite qui aurait été envoyée après, eh bien... Vous pourriez soumettre des sanctions. Ah, très sévères. Et quel genre de sanctions? Jusqu'à l'exclusion, qui serait communiquée à toutes les autres bourses et automatiquement, cette exclusion serait valable pour toutes les autres bourses du monde. L'industrie du diamant fait-elle travailler à Anvers? Au total, nous estimons à 25 000 personnes les personnes actives dans le diamant. Nous sommes au building Avenirstraat numéro 16, chez Steingrad, c'est-à-dire c'est une fabrique où plusieurs ouvriers travaillent, et à peu près une trentaine. Cette fabrique n'appartient pas à une seule personne. Là-bas, cinq moulins. C'est un moulin qui est devant vous là en ce moment. Alors qu'est-ce que c'est un moulin et qu'est-ce que vous faites dessus? Un moulin sert à tailler le diamant. Sur ce moulin, c'est une plaque, une grande plaque tournante, et ce moulin est enduit de diamants, parce que le diamant se taille toujours avec du diamant. Alors ce moulin tourne 2000 tours minute à peu près, et vous prenez, avec des pinces, vous mettez sur cette pince le diamant et vous mettez ce diamant sur ce moulin. Et avec la force centrifuge, naturellement, ce diamant va être taillé facette par facette. Combien de facettes, vous dites ? 57, dans une pierre ronde, n'est-ce pas ? Il paraît que le diamant a également de nombreux usages sur le plan industriel. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Oui, je vous ai donné tout à l'heure les proportions. De plus de 80% de la production mondiale est réservée à l'industrie. Les poudres à polir, c'est pour le surfaçage de précision, c'est pour les polissages indispensables dans les industries de très très grande précision. Les pierres qui sont utilisées dans leur forme en tant que cristal, pour par exemple les sondes pour la recherche du pétrole, les grandes couronnes en diamanté pour aller rechercher ou les gaz ou le pétrole ou d'autres choses pour percer l'écorce terrestre, sont utilisées. Alors la pierre est utilisée dans sa forme elle-même. Là aussi c'est un travail de très grande précision. En réalité, on utilise la qualité première du diamant industriel, qui est sa dureté. L'octaèdre, qui est la forme parfaite du cristal diamant, présente donc six faces triangulaires. Or, la face triangulaire, c'est quelque chose à qui rien ne résiste. Et c'est très spectaculaire. On arrive avec une rapidité incroyable à faire un travail sur les roches les plus dures, sur les matériaux les plus durs, en un temps très très court. Pour vous donner un exemple, les trépans qui utilisent les couronnes en diamanté pour la recherche du pétrole, en quelques heures, font le travail que les trépans en acier spéciaux mettraient peut-être un mois ou deux à faire. Difficile de connaître les secrets de la profession. Très difficile. Il faut vraiment rester très longtemps dans la branche pour connaître tous les secrets. C'est-à-dire au moins 3-4 ans pour tailler, je parle. Hein, parce que pour être tailleur, on peut connaître un minimum. On peut rester 2 ans et tailler de manière automatique parce qu'il y a plusieurs formes de taille. Est-ce que ce que vous dites, c'est vrai ici à Anvers ou c'est vrai partout? C'est vrai partout. C'est partout la même chose. Il y a les tailleurs qui apprennent en un an à tailler. Ça se fait automatiquement et vous restez là et vous attendez. Vous ne devez pas connaître grand-chose de la pierre. Par contre, il y en a d'autres où, dans les plus grosses pierres surtout, vous devez savoir exactement, comprendre bien la pierre. Parce que si vous placez par exemple votre table un peu de travers, vous perdez énormément d'argent. C'est vraiment tout ça, c'est technique, il faut beaucoup apprendre. On entend parler tantôt de diamants, tantôt de brillants. Et il y a bel et bien une différence entre ces deux termes. Brillant, c'est un diamant, mais ce n'est pas seulement un diamant, mais un diamant taillé, et taillé dans la forme brillant, c'est-à-dire la pierre ronde qui est très connue. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah oui, la pierre ronde qu'on connaît très bien. Pourquoi la forme brillant? C'est le résultat d'un calcul mathématique, et d'après certaines écritures, cette forme a été inventée, moyennant des calculs mathématiques, en 1473 par Ludwig van Bergen, le Brugeois, qui a dit, si on taille ce diamant dans cette forme-là, chaque rayon de lumière qui rentre par le dessus sera reflété 17 fois par le dessus, et tenu compte de l'index de réfraction de la matière première diamant et de la capacité de diffuser la lumière, on obtiendra comme ça le maximum de reflets d'étincelles, etc., ce qui est typique pour le diamant. C'est ça qui rend la pierre belle. Les pierres précieuses ont été la fascinante gloire de l'Orient depuis les temps préhistoriques et ont toujours réuni autour d'elles une science étrange, des traditions et des légendes dont on ne peut pas percer le mystère, bien que le sens de la plupart nous paraisse clair. On constate qu'autrefois, le pouvoir de procréer était attribué au diamant. À une certaine époque, on racontait que le diamant changeait de couleur suivant la loyauté ou la fourberie, la sincérité ou l'hypocrisie de son propriétaire, et que son éclat pouvait être terni par le cœur malveillant de celui qui le portait. C'est peut-être la raison pour laquelle on estime beaucoup les diamants limpides et d'une pureté absolue, tels ceux d'Afrique du Sud. Les sciences, les légendes et la mode, tout concorde pour attribuer une valeur de plus en plus grande aux diamants d'une très belle eau. Les diamants furent parfois portés dans l'oreille pour protéger de mauvais conseilleurs. On pensait qu'ils servaient d'ange gardien et qu'ils chassaient le mensonge. Autrefois, on prêtait aux diamants le pouvoir particulier de rendre amoureux et de renforcer l'affection entre mari et femme. Il est curieux de constater que l'homme devait porter le diamant pour que le sortilège opère. Cependant, lorsque l'amour naissait ou revivait, il n'est pas précisé si le diamant était offert à la jeune femme. Le diamant, pendant une certaine période au Moyen Âge, a joué le rôle de justicier. C'est que parfois, dans des cas douteux, quand le jury ne savait si l'accusé était coupable ou non, on se référait à un diamant brut, bien entendu, à ce moment-là. Et si ce diamant brillait, l'homme avait beaucoup de chances d'être acquitté. Et si, par malheur, il faisait comme aujourd'hui, plutôt grisâtre, neigeux, sombre, et que le diamant ne brillait pas, alors le pauvre type était condamné, étant considéré comme coupable. Voilà donc encore un des rôles que le diamant a joué dans l'histoire. Les diamants furent toujours portés par des hommes. C'était pour eux Elle a déjà au début, n'est-ce pas, le signe de leur importance sociale, de leur puissance, de leur richesse. C'était aussi considéré comme un médicament contre certaines maladies, contre la peste par exemple. Et ce n'est que par un décret de Charles VII, qui avait donné quelques très beaux bijoux à sa bonne amie Agnès Sorel, qu'il lui a permis de porter en public les diamants qui avaient été offerts par le roi. Shakespeare n'a-t-il pas dit « Lorsque nous estimons que la chance nous a quittés, ce qui, souvent, est simplement du dégoût de nous-mêmes, nous rendons responsables les bijoux que nous portons, comme si ceux-ci pouvaient être doués d'un pouvoir venu du ciel qui nous contraigne à être vils et fous. » Parmi les diamants célèbres, plusieurs ont atteint une réputation de caractère absolument mondial. On connaît bien l'histoire du Koh-i-Noor, on connaît bien celle du régent, mais je vais vous raconter celle de l'Orloff. Et l'Orloff, je le qualifierais en disant que c'est le diamant de l'amour. Diamant de l'amour, pourquoi ? Parce que ça a été un gage suprême, offert, mais nous allons le voir. L'Orloff vient des Indes et son histoire débute au milieu du XVIIIe siècle, au moment d'un épisode de la lutte entre les Anglais et les Français. C'est ce que l'on a appelé la guerre du Carnatic. À cette époque, un soldat français qui était déserteur a réussi à se faire enfermer dans un temple indien où se trouvait sur la statue d'un dieu un diamant extrêmement curieux qui pesait le poids énorme de près de 195 carats et dont le nom indien signifie exactement le soleil de la mer. Ce soldat avait réussi à capter la confiance des brahmanes qui desservaient le temple et puis une nuit il s'est fait enfermer. Il a réussi à dessertir le diamant et à s'enfuir sans être connu. Il est passé par Madras, il est revenu en Europe et là, en Europe, il l'a vendu à un marchand qui l'a acquis pour une somme relativement peu importante, quelques 350 000 francs d'aujourd'hui, 2 000 livres or de l'époque. Ce marchand l'a revendu à un deuxième marchand, un persan du nom de Coget. Et ce Coget, lui, qui l'a payé beaucoup plus cher, il a prétendu après qu'il l'avait acheté 12 000 livres, c'est-à-dire 4 fois plus que le prix d'origine. Mais Coget, lui, voulait simplement faire une bonne affaire et il a cherché à placer son diamant auprès de toutes les cours d'Europe. Il n'y est pas arrivé parce que le prix qu'il en demandait était un prix vraiment trop important. Jusqu'au jour où il a eu la chance de tomber sur un seigneur russe, Grigori Grigorievitch Orloff, qui était le favori déchu de l'impératrice Catherine II de Russie, Catherine la Grande. Orloff venait donc d'être délaissé et il traînait son chagrin à travers toute l'Europe, en faisant d'ailleurs les pires folies, en jouant des sommes absolument fabuleuses, lorsqu'il fit la connaissance de Coget. Et là, une idée assez curieuse, pour le moins, germe dans son esprit. Brusquement, comme un enfant à qui on veut faire cadeau d'un présent et qu'il veut tout de suite, il décide d'acheter l'Orloff dans la pensée de l'offrir à sa souveraine. Mais Coget, qui était très rusé, comprit très vite où voulait en venir le boyard russe. Il y a eu un marchandage absolument étonnant entre les deux hommes, mais dans lequel Orloff n'était pas de force, et il finit par acheter pour un prix considérable, plus de 40 000 roubles, ce qui, je crois, correspondrait à plus de 2 milliards de nos francs. Il finit par acheter ce diamant à Cogay, et là, à toute allure, si l'on peut dire, il rentre en Russie, il tombe aux pieds de sa souveraine, et pour son anniversaire, il lui offre l'Orlov. Ou plus exactement, le diamant qui n'était connu que sous le nom de Soleil de la mer et qui, un peu plus tard, prendra le nom du donateur, c'est-à-dire le nom d'Orlov. Catherine de Russie remercie, décide de ne pas porter le diamant elle-même, mais le fait monter sur le sceptre impérial de Russie où il se trouve toujours, il est conservé parmi les collections du Kremlin, mais elle ne rendit pas à Orlov sa faveur malgré la preuve d'amour considérable qui venait de lui être apportée. Orlov en conçut un profond chagrin, peu à peu sombre dans la démence, est interné et quelque temps après meurt, hélas pour lui, fou. Alors dans cette vitrine, sur la gauche, vous avez une paire de motifs d'oreilles montés sur platine avec des diamants poire et des rubis fastés ovales. Ensuite, un peu plus loin à gauche, une bague double boule, toujours montée sur platine, brillant, et des rubis en certi mystérieux. Le certi mystérieux est une création de Van Cleef & Arpels qui date d'un peu plus de 40 ans. Et qui, comme vous pouvez le constater, est un certi, une façon de sertir les pierres où on ne voit strictement pas de métal. C'est pour ça qu'on l'appelle certi mystérieux, car on ne sait pas du tout comment les pierres sont serties l'une à côté de l'autre ou en fonction de celle qui la précède ou la suit. Au centre, vous avez une collerette qui est montée sur or jaune, où il y a des brillants ronds, des diamants navettes et de gros diamants poire. Celui du centre pèse un peu plus de 3 carats et demi et l'ensemble de la collerette doit peser, si mes souvenirs sont bons, 165 carats. Monsieur Arpels, à partir de quelle somme peut-on acquérir un diamant ? Sans être ridicule, on peut avoir dans des dimensions qui ne sont pas impressionnantes mais quand même sérieuses et raisonnables. Pour 25 000, 30 000 francs, plus de taxes comprises, des diamants qui commencent à faire plaisir. C'est déjà une coquette petite somme. Il est évident que les considérations financières ne sont jamais absentes de l'achat d'un diamant ou d'un bijou comportant des diamants, car c'est une pierre qui, sous un extrêmement faible volume, peut représenter une grosse valeur. Elle est indestructible, facilement transportable, et les statistiques prouvent que c'est un bon refuge contre l'érosion monétaire. C'était l'épopée des matières premières, une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Aujourd'hui, le diamant, avec la participation de messieurs Jean Isserlis, président d'honneur de la Chambre du Diamant de Paris, Jacques Arpels de Van Cleef & Arpels, James Courage, représentant la De Beers, Maurice Jarre, écrivain, et de messieurs Parsamian, Zucker et Nutkewitz du Diamant Club d'Anvers. Prochaine émission, le cuivre. Cette émission a été diffusée la première fois le 25 août 1980 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.